Luc chapitre 7. On va essayer de se mettre un petit peu dans le contexte du temps de Jésus. Avant la venue de Jésus sur la terre, beaucoup d'hommes s'étaient levés en Israël et ailleurs en Israël, disant qu'ils étaient le Messie. Quand Jésus s'est présenté, ou que les gens ont commencé à en parler de lui, s'il était le Messie, ou qu'il disait qu'il était le Messie, les gens, probablement plusieurs, ont dit, pas encore un autre, qui se présente comme le libérateur, l'envoyé de Dieu pour délivrer son peuple. Et pendant que Jésus était sur la terre, je ne suis pas surpris que Jésus était le seul. Je ne pense pas qu'il était le seul sur la terre qui se présentait comme le Messie, même pendant que lui était sur la terre. Et depuis qu'il est parti, si vous lisez l'histoire de l'Église ou l'histoire du monde, il n'est pas le seul encore qui se présente comme étant le Messie, le Sauveur du monde. Ça a toujours été dans l'histoire. Même des fois, des grands dictateurs se levaient, disant qu'ils étaient les libérateurs du monde, les sauveurs du monde. Donc, c'est pas quelque chose qui était nouveau. Mais si nous autres, aujourd'hui, on était la génération, si on était la génération qui verrait arriver Jésus, et qu'on en a entendu parler d'autres avant, et qu'on s'est fait avoir peut-être une fois, deux fois, que ce n'était pas le vrai, comment est-ce qu'on réagirait devant la personne maintenant qui se présentait devant nous, qui dirait « Ah, je pense que c'est le Messie. » Peut-être qu'on aurait quelques questions à poser. Ou comment est-ce qu'on ferait pour reconnaître si c'est vraiment lui, le Messie? Je crois qu'il y a une... Il y a un danger, là. Il y a un danger, c'est vrai. François, je fais un message trop vite. Je n'ai pas ouvert la bonne fiche. Excusez-moi. Ça, c'est le message la semaine prochaine. Bon, j'étais en train de préparer ça. Je disais, voyons, c'est pas ça que j'ai préparé. Je m'excuse. On a sauté un bout, là. Parce que je l'ai préparé, celui-là, hier. C'est pour ça qu'il est frais dans mon esprit. On est dans l'évangile de Luc, mais au chapitre... Hein. 7, non 7, mais verset 1. Moi, je t'ai rendu au verset 11. Ça ne serait pas long. Je m'excuse de cette distraction de ma part. Là, vous voyez que je suis encore un humain. Hein? Vous ne saviez pas, mais là, je suis encore un humain. Hey. Bon. OK, Luc, chapitre 7, verset 1, cette fois-là. On commence. Luc, ma Bible est ouverte à la bonne place. Luc, OK. Hey, ça c'est dur de décrocher dans ce temps-là quand t'es embarqué. OK. Quand on regarde la vie de Jésus et qu'on voit Jésus interagir avec les gens dans son vécu de 3 ans, on voit que Jésus est un humain. Et on est en train de voir que Luc présente Jésus comme un humain. Et un humain, ça se reconnaît au fait que les humains ont des émotions. Les humains ont des sentiments. Le matin, je l'ai viré à l'envers, ça va tomber sur le top. Vous m'y ferez, parce que quand on tire sur la table, quand elle est sur l'autre bord, des fois, elle a tendance à tomber. Il faut remarquer que les coins sont pas mal massacrés de plusieurs temps. Elle a tombé, une chose qu'elle ne va pas tomber sur les orteils. Et on a des émotions. Elle n'a pas eu d'émotion. On n'a rien dit, mais elle n'a rien fait, même si j'ai fait mal. Ça n'a pas d'émotion, ça. Mais moi, ça m'a tombé sur un pied, j'avais des émotions. Donc, Jésus avait des émotions. Et pouvez-vous me nommer quelques émotions que Jésus a eues? Et essayer de me donner l'événement qui a provoqué cette émotion-là. OK. Est-ce que c'est la mort de Lazare qui l'a fait pleurer? Non, c'est l'incrédulité. C'est surtout l'incrédulité des gens qui étaient là, alentour, qui a amené Jésus à pleurer à ce moment-là. Donc Jésus a pleuré. C'est pas la seule fois qu'il a pleuré. Savez-vous d'une autre fois où il a pleuré? Quand il était sur la petite âne, puis là, il est en train de le mettre en place comme un roi d'Israël, Jésus lui était assis sur l'âne et il pleurait en rentrant dans la ville. Il disait, « Ah, Jérusalem, Jérusalem, si tu savais. » Et lui savait très bien que la ville, quelques années plus tard, la ville sera complètement détruite, il ne restera plus rien là. Et des millions de Juifs mourraient. Il pleurait. C'est un être humain, Jésus. Il pleurait. D'autres sentiments qu'il y a eu. C'est pas un sentiment, ça. Peut-être qu'il y en a qui diraient ça, que c'est un sentiment, mais c'est pas un sentiment. Enfin, c'est un besoin physique, ça. Il s'est mis en colère. Dans le temple. Il était en colère. Jésus s'est mis en colère. Il s'est fait un espèce de fouet avec des cordes. Il a chassé les vendeurs du temple. Et je me suis déjà fait demander par un non-croyant, Jésus, as-tu frappé vraiment les gens? Non, c'est juste fait peur aux gens. J'ai dit, je ne sais pas. C'est pas marqué. On ne sait pas ce qu'on a marqué dessus. Mais c'est fait un fouet. Et la Bible nous dit qu'il était en colère à ce moment-là. Et il a agi avec colère. Et parce qu'il a démontré qu'il y avait une injustice. Donc la colère, ce n'est pas péché. Vous voyez? Ce n'est pas péché la colère. Jésus s'est mis en colère. Lui s'est mis en colère pour une bonne raison. L'injustice à l'égard de Dieu. On a fait des injustices à son égard, mais il ne s'est pas mis en colère. Mais quand il a fait une injustice envers Dieu, il se mettait en colère à ce moment-là. Et la Bible nous dit qu'à la fin des temps, il va se mettre encore une fois en colère. Si vous lisez l'Apocalypse. Et la colère va être épouvantable. Épouvantable. D'autres sentiments? Attristé, oui. As-tu un moment où il était attristé? Parce qu'attristé, ça ressemble à pleurer, ça, quand ça ressemble, mais il aurait pu être attristé sans pleurer. Oui. Un des événements, j'avais ici le sentiment de tristesse, c'est qu'une fois, il est dans une synagogue, et il demande à une femme pour la guérir, l'homme a la main sèche pour la guérir, et la Bible dit que Jésus a eu à ce moment-là deux sentiments. L'indignation, il est indigné de voir l'attitude des Juifs, mais en même temps, il est triste de voir l'attitude qu'ils ont. Parce qu'il veut faire du bien à cet homme-là, mais les autres sont en colère parce que c'est le sabbat. Puis ils ne veulent pas qu'il fasse cette guérison-là le jour du sabbat. Et Jésus, il y a une forme d'indignation qui naît dans son cœur, puis en même temps, la Bible dit qu'il y a une forme de tristesse qui naît devant une telle attitude de la part des gens. Oui. Oui, Jésus était triste à ce moment-là aussi, à certains évangiles. Jésus a un sentiment de tristesse face à ce jeune homme-là qui part, qui s'éloigne de lui, parce que Jésus l'invitait à le suivre, et le jeune homme aimait plus son argent que Jésus, et il est parti. Et Jésus, la Bible nous dit, était triste à ce niveau-là. Triste de voir qu'un homme choisissait l'argent au lieu de lui, son propre Dieu, son sauveur. Donc Jésus a des différentes émotions, des fois positif, des fois négatif. Des fois positif, des fois négatif. Et ce matin, on va voir que Jésus va avoir un sentiment d'admiration. D'admiration. Et ça, c'est, on le voit pas souvent, juste une fois, je pense, qu'on le voit dans une des histoires. Jésus a un sentiment d'admiration face à un homme. C'est assez rare qu'on voit Jésus admirer un être humain. Et cette semaine, j'ai fait une exception à ma règle de vie. J'ai écouté beaucoup les nouvelles parce que je voulais prendre toute l'information que j'avais besoin pour aller voter demain. Et je vous garantis, il n'y avait pas grande admiration dans ce que j'ai entendu. Il y avait toutes sortes de choses. Une fois, je voulais tellement pogner l'intérieur de voir que c'est ces hommes-là qui se présentent comme étant mes chefs de mon avenir. Ils se présentent, je veux être ton chef, François, de ta province. Et quand je les vois entre eux autres, ce qu'ils font, je me dis, ouh, une chance que j'ai la foi. Une chance que j'ai la foi que quelqu'un, ça va être un des trois, je n'ai pas le choix. Mais j'ai la conviction qu'il va y avoir quelqu'un au-dessus de lui, peu importe qui va être là, qui est mon Dieu. Je chantais ce matin, je disais, Tout à l'heure, juste souverain, je suis content que tu sois souverain sur le monde dans lequel je vis. Parce que les hommes qui vont régner avec toutes les femmes qui sont là aussi, parce qu'ils vont être des femmes députées, sont tellement imparfaits, ça serait démoralisant. Ça serait épeurant. Ça serait vraiment. J'aurais la crainte, j'aurais la peur, j'aurais la chienne, comme on dit à Québécois. Je me disais, c'est. Ok, même si moi, je serais là. J'aurais toutes les raisons du monde d'avoir la chienne aussi, d'avoir peur aussi. Parce que l'être humain est tellement faillible, tellement faible, tellement manipulateur, et tellement, on peut tellement le manipuler. Il y a toutes sortes de dangers. Et ce matin, on va voir que Jésus va approuver. Et vous êtes comme moi. Je ne sais pas si vous avez déjà dit, moi, ce que les gens pensent de moi, ce n'est pas important. Oh, quand j'entends ça, je me dis tout le temps, c'est pas vrai, ça. Oh, c'est très important ce que les gens pensent de nous. C'est pour ça qu'une grande partie de nos péchés viennent de là. On est orgueilleux. Pourquoi qu'on est orgueilleux? Parce qu'on veut que les gens, ce que les gens pensent de nous va être mieux que la réalité. Pourquoi est-ce qu'on est égoïste? C'est parce que ce que les gens pensent de nous, c'est important. Pourquoi est-ce qu'on ment? Pourquoi est-ce qu'on compte des mentries? Parce que ce que tu penses de moi, c'est important. Donc, on fait toutes sortes de choses. On se peigne, on s'habille, on fait toutes sortes de choses parce que ce que les gens pensent de nous, c'est important. Et en psychologie, on dit que c'est une des choses les plus importantes. On veut l'approbation des gens. On veut l'approbation des gens. Il n'y a rien qu'on aime plus que quelqu'un nous dit « Fantastique ce que tu fais là, c'est donc correct. » On a une approbation. Et si personne nous le dit, on a fait la même action, personne nous le dit, on se demande si on aimait ça. On se demande si on aimait ça. On veut l'approbation. Et c'est pas mal en soi de vouloir l'approbation. Pas mal en soi. Mais à un moment donné, la Bible nous montre qu'on a des choix à prendre entre l'approbation des hommes et l'approbation de Dieu. Et Jésus va dire à plusieurs reprises que le fait qu'on désire l'approbation des hommes va être une des causes qui empêche les gens d'être sauvés. Jésus va dire ceci, « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues, au coin des rues. » Pourquoi faire? Pour être vu des hommes. Qu'est-ce que les hommes vont penser de moi? Ce que les femmes vont penser de moi? Si ça ne serait pas important pour eux autres, ils prieraient où? Dans leur chambre. Ils n'auraient pas besoin de se mettre sur le coin de la rue. C'est pas mal de prier sur le coin de la rue, mais c'est mal de le faire pour être vu des hommes. Jésus dit la même chose un peu plus bas. Il dit, il y en a qui jeûnent pour être vus des hommes. Il y en a qui donnent leur offrande pour être vus des hommes. Jésus dit, si c'est ça, votre façon de vivre, vous ne serez jamais sauvé. Il dit dans le texte, vous ne serez jamais sauvé. Vous avez eu votre récompense. Vous recherchez l'approbation des hommes, vous l'avez eu. Bye. À notre place, il dit, ils font toute leur action pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères, ils ont de longues franges à leurs vêtements. Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Dieu connaît vos cœurs. Dans un autre verset, c'est marqué, « Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire ou l'approbation qui vient de Dieu seul? » Il y a un autre verset qui dit, où Jésus parle, il dit, « Car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu, et ça les a empêchés d'être sauvés. » Donc, c'est fort à l'intérieur. Hein? Ce besoin d'être approuvé est tellement fort qu'on va choisir d'être accepté par les hommes au lieu que par Dieu et ainsi aller à la perdition. Donc, il faut se méfier de ce besoin interne qu'on a. Il faut se méfier de ça. Qui n'est pas mauvais en soi s'il est bien dirigé, s'il est bien utilisé, ce besoin-là qu'on a. Mais il y a un autre verset qui nous dit qu'on doit chercher l'approbation de Dieu. Mais le juif, celui qui l'est à l'intérieur, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Celui qui est circoncis dans le cœur, dit Paul dans l'Épître aux Romains, lui, il reçoit la louange qui vient de Dieu et non pas la louange qui vient des hommes. Dans 1 Corinthiens 4, 5, c'est pourquoi ne jugez rien avant le temps jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Ça doit être ça le plus fort dans notre vie. On recherche l'approbation de Dieu. On recherche la louange qui vient de Dieu. Si elle vient des hommes aussi en même temps, ben c'est correct. John MacArthur disait souvent, quand les gens applaudissent ce que vous avez fait, dites-leur merci. Dites-leur merci, c'est correct. Mais donnez toute la gloire à Dieu. Donnez toute la gloire à Dieu. Dans 2 Corinthiens, c'est marqué, car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande qui est important. Et ce matin, nous allons voir ce sentiment, cette approbation que Jésus va donner à quelqu'un. Jésus va approuver quelqu'un. Jésus va admirer quelqu'un. Il y a certaines traductions qui vont dire que Jésus est étonné. Hey, les gens, des fois, ils vont être étonnés de ce qu'on peut faire, mais étonner Dieu, c'est spécial. C'est spécial. Et ce qu'on va voir ce matin ensemble, on va voir qu'est-ce que cet homme-là a fait. Qu'est-ce qu'il a fait pour que Jésus dise devant la foule qu'il admirait cet homme-là. Moi, si Jésus rentrait ici un matin, qu'il viendrait me donner une tape dans le dos, ce qu'il dirait, François, c'est super ce que tu as fait. Même si vous diriez tout négatif, je pense que je n'aurais peut-être assez pour faire ma journée. Je n'aurais probablement assez pour faire ma journée. Parce que vous savez, c'est plus la personne est importante à nos yeux, plus ça nous fait du bien de se faire approuver, n'est-ce pas? Si c'est un étranger qu'on ne voit jamais et qu'on ne verra plus jamais, qui nous dit c'était bon ce que tu as fait ce matin, c'est le fun. Mais ce n'est pas comme quelqu'un qu'on vivrait avec toute la journée ou toute la semaine. C'est pas pareil, n'est-ce pas? Si c'est un homme qui passe à mon travail qui me dit c'est bon, si c'est le boss qui me dit ça, c'est une autre histoire. Parce que le boss, lui, il est là tous les jours avec moi. Et là, ce matin, c'est Jésus qui va dire ça. C'est Jésus qui va dire ça à un homme. Et on va lire ensemble chapitre 7, verset 1. On va lire jusqu'au verset 3. Quelqu'un veut le lire? Bien fort? Donc, tu as remarqué qu'après avoir achevé tous ces discours, de quel discours on parle ici? De ce qu'on a vu dans le chapitre 6, le sermon sur la montagne. Après avoir fait cela, Jésus était sur une pente, sur le bord de la mer de Galilée. En tout cas, c'est ce qu'on nous présente aujourd'hui. Si vous allez en Israël, on va vous emmener sur le bord d'une montagne. Et sur le bord de la mer de Galilée. Et il dit que il entra dans Capernaum. Et là, il était juste un petit peu en dehors de la ville. Ça a pris 5 minutes, puis il a viré de bord, puis il est rentré en ville. Il est rentré dans la ville de Capernaum, qui se trouvait située seulement sur le bord de la mer de Galilée. Donc, il rentre dans la ville de Capernaum. Et là, il se passe de quoi? Un homme qui est un centenier. C'est quoi un centenier? C'était un chef dans l'armée. Le nombre qu'il y avait, chacun a son petite opinion là-dessus. Il y en a qui disent 50, il y en a qui disent 100, il y en a qui disent... Bon, en tout cas, chacun a de son opinion. Mais tout le monde est d'accord, c'est un chef dans l'armée romaine. C'est un chef. Et on pense que c'était 100, parce que centenier. Centenier. Donc, on pense que c'était 100. On ne fera pas une chicane avec ça ce matin. Hein? Et cet homme-là, il nous dit qu'il y avait un serviteur ici. Et le serviteur, il est malade au point de... Il va mourir. Ce n'est pas d'intervention. Et cet homme-là envoie des hommes pour chercher Jésus. Il envoie des hommes pour chercher Jésus pour pouvoir guérir. Ce que Jésus... La première raison pourquoi Jésus va approuver cet homme-là, ou va admirer cet homme-là, c'est que cet homme-là avoue. Avoue qu'il a un besoin à Jésus. Il a entendu parler de Jésus. Bon, on ne sait pas trop comment il a entendu parler de Jésus, mais il a entendu parler de Jésus. Quelqu'un lui en a parlé à quelque part. Il y en a qui disent que, est-ce que le centenier était là, au sermon sur la montagne? Si c'était ça, me semble la traduction, ce serait ayant entendu Jésus parler, c'est pas ayant entendu, c'est comme si c'était quelqu'un d'autre. Hein? On lui avait parlé de quelque chose. C'est pas traduit comme si c'était lui qui l'avait entendu de ses propres oreilles. Hein? Donc, ayant entendu parler d'eux, c'est pas tout à fait comme si lui ayant entendu parler lui-même Jésus. Mais il sait, d'une raison, de façon quelconque, il sait que Jésus a la capacité de guérir les gens. Il y a des gens qui ont des besoins, mais qui n'iront pas à Jésus. Mais lui, cet homme-là ici, reconnaît son incapacité. Reconnaît qu'il y a un besoin dans sa vie. Reconnaît qu'il y a besoin de l'intervention de Jésus dans sa vie. Et Jésus admire ça. Vous savez c'est quoi le problème de l'être humain? On croit qu'on peut vivre par nous-mêmes. Indépendant. Quand j'étais jeune, j'avais 11 ans, j'ai dit à mon père, un jour je vais être indépendant, financièrement. C'était le rêve de François, être indépendant. Et la Bible veut qu'on soit dépendant de Dieu. Nous, l'être humain, le pécheur, on veut être indépendant de Dieu. Votre chair, ma chair, il y a une partie de vous, une partie de moi qui veut être indépendante de Dieu. On aimerait donc ça, être capable de faire les choses par nous-mêmes. Pourquoi? Ben oui, c'est très valorisant. C'est très valorisant de faire les choses par nous-mêmes. Je suis capable. Je suis capable. Il y a quelqu'un qui dit hier, j'écoutais les élections, puis il disait, « Ouais, mais lui, là, il fait souvent le « je ». Il en voulant dire qu'il est capable. Tu sais, le « je », il emploie souvent le « je ». Êtes-vous des « je », vous? Et on aime ça dire ça, hein? « J'ai fait ça, j'ai donné ça, j'ai gagné ça, je ». Et on aime ça dire ça. Dans la Grande Babylone, dans l'Ancien Testament, la Grande Babylone, qui représente l'anti-Dieu, dit « Moi et rien que moi ». Elle dit ça demain. J'ai encerclé ça dans ma Bible. Moi et rien que moi. J'ai mis mon nom à côté. François est comme ça aussi. Moi et rien que moi. Si on arriverait et qu'on aimerait ça, pouvoir dire ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les grands savants de ce siècle veulent démontrer que l'être humain n'a pas besoin de Dieu pour vivre sur la terre. Ils veulent prouver scientifiquement que l'être humain est là sans Dieu et qu'il est capable de vivre sans Dieu. Pourquoi? On est correct. On veut être indépendant. Mais Jésus aime les gens qui sont dépendants de lui. Et je crois qu'il ne faut pas aimer ça pour se sentir bien, lui. Parce qu'il sait qu'il est la seule solution. Il sait qu'il est le seul moyen pour qu'on puisse vivre ce qu'il lui veut qu'on vive. Qu'on puisse vivre la raison pourquoi il nous a créés. Donc cet homme-là, s'il n'avait pas envoyé quelqu'un dire à Jésus, j'ai besoin de toi pour que tu puisses guérir mon serviteur, Jésus aurait, d'accord avec moi, Jésus n'aurait jamais dit ce qu'il dit à la fin, ce qu'on va voir ensemble. Il n'aurait jamais dit, j'ai jamais vu un homme comme ça dans tout Israël. Il faut que d'abord l'homme fasse le pas vers Dieu et dise, je suis incapable de le faire par moi-même. Je suis incapable de le faire par moi-même. Je ne suis pas capable de sauver mon serviteur que j'entends. C'est la première chose. Deuxième chose, verset 4. jusqu'à 7. Quelqu'un veut lire verset 4 jusqu'à 7? Donc, ici, les hommes qu'il envoie, Jésus a pris des hommes, les a envoyés, demandaient à Jésus de venir pour guérir cet enfant-là. Ces hommes-là font la requête auprès de l'homme. Et qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils disent? Ils méritent. Il mérite que tu viennes et que tu interviennes dans sa vie. Puis là, il dit quoi? Il dit, hein, quoi? C'est lui qui a bâti une synagogue. Et c'est lui qui a bâti notre... C'est-à-dire que c'est un homme qui a mis ses mains dans ses poches, sorti son portefeuille, on ne sait pas combien, mais ça devait représenter une belle somme d'argent. C'est lui qui a bâti la synagogue des Juifs à Capernaum. Pour un centenier, c'était spécial. Là, on peut imaginer un paquet d'affaires, parce que c'est pas marqué dans le texte. Vous avez le droit d'imaginer ce que vous voulez, puis j'ai le droit aussi, fait que je vais aller. Hein, on se demande, est-ce pourquoi il l'a fait, cet homme-là? Est-ce qu'il l'a fait pour avoir la paix dans ce petit coin-là que lui régnait avec ses soldats? Est-ce qu'il était un prosélyte juif, lui-même? Est-ce que lui-même allait à la synagogue le dimanche, parce qu'il était un prosélyte juif? Si allait à la synagogue, si, c'est peut-être là qu'a vu Jésus, parce que Jésus allait à la synagogue souvent. C'est peut-être là qu'il a entendu parler de Jésus. Peut-être. On ne sait pas, on n'est pas sûr. Mais une chose est certaine, c'est un homme qui avait un grand cœur généreux. On en voit un autre centenier qui a fait la même chose dans la Bible. Son nom, c'était... Quand le printemps arrive, c'est en Corneille. Corneille, le centenier Corneille, hein? Il s'appelait Cornelius en latin. Cornelius aussi a fait bâtir la synagogue. Parce que les Juifs, souvent, ils n'étaient pas riches parce qu'ils étaient sous l'esclavage romain. Il ne faut jamais oublier ça. Les Juifs étaient sous l'esclavage romain dans le temps de Jésus. Et les Romains, eux autres, avaient beaucoup d'argent. Donc, ils ont permis aux Juifs, ou des fois, ils payaient. Et des fois, il faisait, j'ai une belle impression, ce que j'ai pu lire des fois, il payait juste pour garder la paix. Il bâtissait une synagogue, mais il aurait pu aussi bâtir un temple à n'importe qui d'autre côté pour avoir la paix dans la ville. Mais en même temps, ça aurait pu être parce que les autres avaient la foi aussi et aidaient les Juifs ou les gens avec qui ils se rencontraient le dimanche matin pour payer la synagogue. Et ces hommes-là invoquent ça. Ils disent à Jésus, viens guérir cet enfant-là, ce jeune homme-là, parce qu'il le mérite. Il aime les Juifs. Pour eux autres, c'est aimer les Juifs, c'était aimer Dieu. Okay? C'est parce que vous avez des versets qui disent, si vous aimez un Juif, vous aimez Dieu. Il dit, il aime. Puis il a bâti notre synagogue, c'est là qu'on chante des chants pour Dieu, c'est là qu'on lit la parole de Dieu, c'est là qu'on étudie la parole de Dieu. Il dit, il mérite que tu fasses ça. Je suis convaincu, parce qu'on a par après, que l'homme n'avait pas dit de dire ça. Je suis bien convaincu que l'homme n'avait pas dit de dire ça. Parce qu'on a les versets après, hein, versets 6 et 7. L'homme a dit quoi? Je ne suis pas allé moi-même parce que je ne me croyais pas digne. Je ne suis pas allé moi-même parce que je ne suis pas digne d'y aller. Je ne suis pas digne de me présenter devant toi et de te faire une requête. Puis, quand ils vont arriver proche de la maison, ils vont renvoyer d'autres serviteurs et dire, ne rentre pas, c'est pour ça que je ne suis pas allé, je ne suis pas digne de te recevoir dans ma maison. Ma maison n'est pas digne d'un homme si grand, si haut, si important, Et je ne sais pas quelle compréhension il y avait de Jésus complètement, on ne nous est pas dit. Mais la façon qu'il va parler un peu plus tard, il le voit comme quelqu'un de vraiment spécial. Il dit, je ne suis pas digne. Moi, j'appelle ça de l'humilité. J'appelle ça de l'humilité. Jésus va dire à cet homme-là tout à l'heure qu'il est étonné, qu'il l'admire, parce que c'est un homme humble. Il dit devant tous, « Je ne suis pas digne que tu rentres dans ma vie. Je ne suis pas digne que tu viennes sous mon toit. » Souvenez-vous d'un autre que Jésus va féliciter parce qu'il fait la même chose? Il y a quelqu'un? Hein? Non, non. Il y a un autre, que quand vous étiez catholique, vous faisiez ça, vous imitiez cet homme-là. Alors, je vous donne un gros indice, là. Quand vous étiez catholique, vous imitiez cet homme-là. Mea culpa, mea culpa, maxima culpa, hein, on disait ça en latin, ou en français, par ma faute, par ma faute, par ma très grande faute. Qui a dit ça? Le publicain qui était en arrière de la synagogue ou dans le temple. Il y avait le pharisien qui était en avant. Je mérite, mon Dieu, que tu m'aimes. Je mérite. Je jeûne, je prie, je donne des offrandes. Je mérite que tu m'aimes. Il y a quelqu'un en arrière qui se frappe dans la poitrine. Je suis un grand pécheur, la tête à terre. Il dit, pardonne-moi, je suis un grand pécheur. Jésus, toi, tu vas rentrer au ciel, toi, tu ne rentres pas. Jésus a toujours admiré les gens qui avouent leur état d'âme. Aussitôt qu'on commence à penser qu'on est une bonne personne, nous n'avons plus l'admiration de Jésus. Nous n'avons plus l'admiration de Jésus. Jésus admire les gens qui savent reconnaître qui ils sont vraiment. Les hommes, ce n'est pas ceux qui se voient pires qu'ils sont. Nous, on pense que les hommes, c'est ceux qui s'apitoient sur leur sort. Ce n'est pas vrai, c'est vrai. Les hommes, c'est ceux qui se voient tels que Jésus les voit. Tu peux avoir un Cadillac pour être humble. Tu peux avoir un chameau pour être Pierre Torgueilleux. Ça n'a rien à voir. Tu peux t'habiller avec un costume de 10 000 piastres et d'être humble. Tu peux t'habiller avec une guenille et être orgueilleux. Parce que ça n'a pas rapport avec ce que Dieu fait. Parce que Dieu regarde dans ton cœur et il voit si toi tu te vois tel que lui te voit. Et cet homme-là ici est un homme très riche. Il y a des serviteurs, il y a des esclaves, il a bâti une synagogue, il est un centenier, il est très en vue dans la société. C'est un big shot. Nous autres, on dirait aujourd'hui, c'est un big shot. Nous, on les regarde des fois les riches avec les grosses affaires et on a l'impression que c'est des orgueilleux. Mais ça ne veut rien dire, ça n'a pas rapport. Jésus va dire de cet homme-là, qui était un homme très riche, qui était très populaire, qui était très bien vu dans la société, ça, c'est un homme humble. Parce qu'il se voit tel que je le vois. Il avait très raison, le monsieur. Il avait très raison. Il n'était pas digne que Jésus rentre sur son toit. Jésus va admirer cet homme-là à cause de cette parole-là qu'il dit de lui-même. Je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne de ce que j'ai aujourd'hui. Je ne suis pas digne de la maison que j'ai. Je ne suis pas digne de la santé que j'ai. Je ne suis pas digne. Ce que Dieu me donne, c'est toujours de la grâce, n'est-ce pas? C'est toujours de la grâce. Que je sois riche ou que je sois pauvre, je ne suis pas digne. Ce n'est pas juste quand on a une maison qu'on n'est pas digne de l'avoir. C'est quand on n'en a pas, on n'est pas plus digne d'en avoir une. Nous ne sommes pas dignes de rien voir de Dieu. Et quand on prie, il faut se rappeler ça. Je ne suis pas digne, Seigneur, que tu répondes à ma requête. Je ne suis pas digne que tu répondes à ce que je vais demander. Je ne mérite pas la réponse. Je ne l'ai pas gagné parce que ça fait 2 heures que je prie. Je ne l'ai pas gagné parce que je lis ma Bible tous les matins, puis je vais à l'église tous les dimanches. Puis là, maintenant, je pense que je suis un petit peu plus digne d'avoir une réponse à ma prière. Moi, j'ai été élevé de même dans mon église, vous savez. J'ai été élevé comme ça. On était plus digne que Dieu nous réponde quand on était des bons chrétiens. Je ne suis pas digne que Dieu soit dans mon cœur, point à la lettre. Point à la lettre. Je ne suis pas digne de rentrer dans sa présence, point à la lettre. Parce que tout le restant devient, je ne suis pas digne non plus. Si je ne suis pas digne qu'il soit là, je ne suis pas plus digne de lui parler, je ne suis pas plus digne de rien faire. Là. Je ne suis pas digne, dit l'homme. Et qu'est-ce qui a emmené ce sentiment-là dans ce cœur-là? Qu'est-ce qui a emmené cet homme-là à envoyer chercher Jésus? Et qu'est-ce qui amène cet homme-là à dire « Je ne suis pas digne que tu rentres sur mon toit » C'est ce qu'il va dire juste après. C'est ce qu'il va dire juste après. On va voir ça ensemble, versets 8 à 11. Quelqu'un veut lire versets 8 à 11? « Car moi, je suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira son ami. Il se tourna vers la foule qui suivait, il dit, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les gens envoyés par le Saint-Denis guérir le serviteur qui avait été malade. OK, allez, verset 10. C'est beau, merci. Donc, qu'est-ce que cet homme-là est en train de dire à Jésus? Et je ne suis pas digne et je t'ai demandé. Savez-vous ce qu'il a demandé? Beaucoup de gens dans la Bible vont proche de Jésus pour pouvoir le toucher. Hein? Souvenez-vous les gens qui ont fait ça? Pour pouvoir le toucher afin d'être guéri souvent. Qui a fait ça? La femme qui avait une perte de sang est allée par en arrière dans la foule, personne ne l'a vu faire, est allée toucher la robe de Jésus, puis elle croyait que si elle pouvait toucher Jésus, elle serait guérie instantanément. Est-ce que c'est arrivé? Ben oui, c'est arrivé. C'est arrivé. Elle a touché, elle croyait qu'elle avait besoin de toucher. Il y en a d'autres personnes comme ça qui touchent, mais Jésus aussi, des fois, va aller vers les gens, puis il va toucher les gens. Mais à plusieurs reprises, il va dire aux gens autour de lui, aussi dans la foule, « Gens de peu de foi, si vous ne voyez pas, vous ne croyez pas. » Mais cet homme-là, s'il fait le contraire. Il fait le contraire. Il dit à Jésus, « Moi, je suis un centenier. Donc, j'ai des gens au-dessus de moi, parce qu'il n'était pas un empereur, automatiquement, l'empereur, puis il y avait bien du monde avant lui, puis l'empereur, là, mais il y avait du monde au-dessus de lui. Mais il y avait du monde aussi en dessous de lui. Il dit, moi, j'ai des boss. Et quand mon boss dit, viens ici, j'y vais. Quand mon boss dit, va-t'en là-bas, je vais là-bas. Quand mon boss me dit, mets-toi à genoux, je me mets à genoux. Quand mon boss dit, va à la guerre, je vais à la guerre, je fais ce que mon boss me dit. Il dit, moi aussi, j'ai des hommes sous moi, j'ai des soldats en dessous de moi. Et quand j'ai des soldats en dessous de moi, et je leur dis, viens ici, il vient ici. Puis s'il ne vient pas, il y a des choses qui vont se passer. Il dit, moi, je suis le maître, hein? Je suis sur certaines personnes autour de moi. J'ai un contrôle sur tous ces gens-là. Je peux leur faire dire n'importe quoi, je peux leur faire n'importe quoi. Ils vont tout faire ce que je dis. Je les envoie avec une épée, ils vont tuer celui-là, ils vont aller tuer celui-là. Ils font tout ce que je dis. Il dit, j'ai des gens au-dessus de moi, et je fais tout ce qu'ils me disent. Et moi, j'ai des gens au-dessus de moi, et ils font tout ce que je dis. Donc, il est en train de dire, il dit à Jésus, toi aussi, tu es comme ça. Toi, tu es le boss de tout le monde entier, de la terre entière. Et à 1000 km d'ici, s'il faudrait, ou à 50 km, ou à 5 km, ou à 20 km d'ici, tu peux dire juste un mot, puis mon serviteur va se lever de bout là-bas. Parce que tu es boss de tout ce monde-là. Tu es le maître de tout ce monde-là. Tu as contrôle sur l'univers entier. C'est ce qu'il est en train de dire à Jésus. Tu contrôles tout le monde à distance. Tu peux dire à n'importe qui, drop dead, il va tomber mort. Tu vas dire à l'autre, lève-toi, il va se lever. Tu as un contrôle total, universel, complet sur tout ce qui se passe dans le monde. C'est ce qu'il est en train de dire à Jésus ici. Tu as le contrôle sur tout ce qui se passe. Et avez-vous des petites choses insignifiantes que la Bible nous dit par rapport à ce que Dieu a le contrôle sur toutes choses? Il y a des petits exemples insignifiants pour nous montrer que Jésus va, Dieu va contrôler de tout. Oui, c'est pas ça que j'avais en tête, là. Jésus, dans le Nouveau Testament. Mais c'est vrai ce que tu dis. Il dit, même tous les cheveux qui tombent, il sait. Il sait qu'ils tombent, mais il sait comment ce qu'il reste aussi. Il y a une autre chose qu'il dit. Il dit, il n'y a pas un oiseau, pas un passereau qui tombe à terre sans que je sache. Il dit, quand il tombe à terre, c'est parce que moi, j'ai dit, tombe, il est tombé. J'ai un contrôle total sur les animaux comme sur les êtres humains. Je donne la vie et je donne la mort à qui je veux, quand je veux. Le figuier, oui. Mais ça, c'était pas. Moi, je demandais des choses insignifiantes. Ça, c'est pas mal fort, là. Prendre un arbre, dire à l'arbre au côté, meurs! Et l'arbre est tombé mort. Asseyez donc ça, vous hein? Moi, j'ai une petite plante, là, j'ai un petit bambou dans la maison, puis il est en train de me relever, puis j'ai un trapin qui reprenne, qui fasse des fleurs, puis il ne le fait pas. Ça fait un mois, j'essaie, puis je pense qu'au bout de l'échappée, ça continue. Mais Jésus, lui, il pourrait dire, pousse, puis il viendra aussi gros que ça dans l'espace d'une minute. C'est ça qu'il est en train de dire à Jésus, cet homme-là. Et Jésus a dit quoi? J'ai jamais vu une foi aussi grande dans tout le pays d'Israël. Tout un bonhomme, hein? Qu'est-ce qu'il avait fait? Absolument rien. Accepter croire en Dieu. Juste la foi. Juste la foi. C'était pas un homme parfait, loin de ça. Jésus n'aurait pas grouillé le petit doigt parce qu'il avait bâti une synagogue. Jésus dit, quel grand homme de bâtir une synagogue semblable! J'ai jamais vu un homme aussi généreux! Nous, on l'aurait dit. On aurait été comme les autres. On mérite. Parce qu'on le croit pour les autres. Pourquoi on le croit pour les autres? On le croit pour nous autres. On pense qu'on mérite les choses. Vous pensez que vous méritez. Je pense que je mérite les choses. Mais ce n'est pas la réalité. On mérite rien. On mérite rien. De par ça. Nous vivons sous la grâce. De tous les jours de notre vie, 24 heures par jour, on vit sous la grâce de Dieu. Si Dieu fermait le robinet de sa grâce, à peu près une fraction de seconde après, toute la terre a disparu, anéantie, détruite. La terre n'existe plus. Et quand Dieu va le faire, parce qu'il va le faire, fermer le robinet, la Bible nous dit, il va le faire à un moment donné. Fermer le robinet, il va détruire tout le monde dans lequel nous vivons, et on en fait un autre. Parce que quand il a fermé le robinet de la grâce, c'est terminé. Tu n'existes plus. Voyez-vous? Ça, c'est la réalité. Ça, c'est la réalité de la vie. Si Dieu ferme le robinet de la grâce, aujourd'hui, tout le monde, sort d'elle. Tout le monde meurt. Parce que le monde ne subsiste que par la grâce de Dieu. Et cet homme-là, dit à Jésus, j'ai besoin de toi, je suis incapable de faire quelque chose. Mais je suis conscient que je le demande, mais tête à terre, je ne suis pas digne que tu le fasses. Si Jésus aurait juste viré les talons et qu'il aurait parti dans l'autre direction, loin de cet homme-là, loin de cet enfant-là, et qu'il l'aurait laissé mourir, est-ce que Dieu aurait été injuste? Pensez-vous que cet homme-là n'aurait voulu à Dieu? On pense que non, parce qu'il dit « je ne suis pas digne ». Donc, quand tu n'es pas digne de quelque chose, puis on ne te le donne pas, tu ne peux pas chialer. On chiale parce qu'on dit « j'ai des droits !» J'ai des droits, là, on chiale, parce que les gens ne respectent pas nos droits. Mais quand on n'en a pas de droits, tu ne peux pas chialer. Tu ne peux pas arriver devant Dieu et chialer, je n'ai pas de droits. Je n'ai pas de droits devant Dieu. J'ai tout perdu. Ce que j'ai, c'est « en Jésus ». J'ai des droits en Jésus. Pas à cause de ce que je suis, pas à cause de ce que je fais, mais à cause de Jésus qui est en moi. Ça, c'est correct. Donc, si on veut que Jésus nous admire, nous devons être comme cet homme-là. Nous devons être comme cet homme-là. Nous devons être comme lui, et on est venu à lui. En tant que chrétien, on est venu à lui. Pour le Seigneur, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable de me sauver. Je ne suis pas capable de me purifier. Je ne suis pas capable de me laver. Je ne suis pas capable de faire quoi que ce soit pour mériter quoi que ce soit de toi. Je suis incapable de me sauver moi-même. J'ai besoin de toi. On a entendu parler par quelqu'un que Jésus pouvait pardonner. On a entendu parler par quelqu'un que Jésus pouvait laver, sauver, purifier. Et on est allé. On est allé. Et on s'est humilié devant lui. Je ne mérite pas. Je ne mérite pas que tu me sauves. Hein? Mais je te demande de me sauver quand même. Mais je reconnais que je ne mérite pas que tu me sauves. Hein? Et Dieu, dans sa grâce, hein, à cause de la foi qu'on avait en lui, sans qu'on le voie, sans qu'on le touche, on a cru qu'il pouvait nous faire naître de nouveau. On a cru ça. On ne l'a pas vu, on ne l'a pas touché, mais on a cru qu'il était capable de changer notre cœur, de transformer notre cœur, de nous faire naître de nouveau. Et Dieu dit, quelle foi! Quelle foi! Vous avez la foi comme cet homme-là ou vous ne l'avez pas pantoute? Savez-vous ça? Vous l'avez comme ça ou vous ne l'avez pas pantoute? C'est comme ça. On n'a pas le choix. Jésus dit, si vous avez de la foi grosse comme un grain de sénévé. Ça veut dire quoi? À peu près gros de même, là. Ça a l'air que si on a un grain de moutarde dans notre poche, on n'est pas hâte de le trouver. Tellement que c'est petit. Il dit, votre foi, ta foi, François, est grosse de même. Mais c'est correct, c'est assez. C'est assez. Parce que si tu as de la foi grosse comme un grain de sénévé, peut virer les montagnes à l'envers. Si tu as une foi grosse comme un grain de sénévé, tu peux dire au sycomore, va te jeter dans la mer. Et il dit, va le faire. Ça veut dire quoi? Tu as un contrôle. Donc si tu as de la foi grosse comme un grain de sénévé, tu peux me dire à moi, sauve-moi, et je vais te sauver. Instantanément. Mais il faut que tu aies de la foi grosse comme un grain de sénévé. Je crois personnellement que Jésus venait de dire à cet homme-là, tu as de la foi grosse comme un grain de sénévé. Grosse comme un grain. C'est tout ce qu'on a besoin. Une foi grosse comme un grain de sénévé. C'est assez. Mais ça, il faut l'avoir. Et quand on l'a, on agit comme cet homme-là. On agit comme cet homme-là. On sait qu'on ne mérite pas, on sait qu'on n'est pas digne. On sait que Dieu est au contrôle de toute la terre entière. Malgré qu'on sait qu'on n'est pas digne en tant qu'être humain, on se présente devant Dieu tous les jours, mille fois, même plusieurs fois par jour, pour lui parler, parce qu'on croit qu'on a été rendu digne par la mort de Jésus. Paul dit une fois, nous qui sommes dignes à cause de Jésus, et Jésus nous a rendus dignes. Et là, on peut se présenter dans la présence de Dieu. Mais par nous-mêmes, on n'est pas dignes. Jésus a reçu l'approbation de... cet homme-là a reçu l'approbation de Jésus à cause de sa dépendance, à cause de son humilité et à cause de sa foi. Jésus a dit... Je t'admire pour ça. Je t'admire pour ça. Prions ensemble. Seigneur, ce sentiment que tu as d'admiration devant cet homme, tu l'as pour chacun de tes enfants. Tu l'as pour chacun de tes enfants. Parce que tes enfants agissent ainsi. On est venu à toi disant qu'on était incapable de se sauver soi-même. On a dit qu'on était dépendant de toi. On a dit qu'on était indigne, qu'on ne méritait pas ta présence, qu'on ne méritait pas le ciel, qu'on ne méritait pas ta bonté, ta miséricorde. Mais on a cru. que Jésus pouvait nous sauver. Même si ça fait 2000 ans qu'il est mort, on a cru qu'il avait le pouvoir de nous sauver aujourd'hui. Et tu nous regardes et tu nous admires parce qu'on a foi en toi. On te bénit, Seigneur. On te bénit que tu nous en demandes pas plus, mais pas moins. À plusieurs reprises, tu vas dire dans l'évangile de Luc, on va voir ensemble. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Apprends-nous, Seigneur, à vivre ainsi. Pas juste à être sauvé comme cela, mais à vivre ainsi tous les jours de notre vie en tant que croyant. Vivre de même, se rappelant que l'être humain est indigne de quoi que ce soit. Mais à cause de Christ, tu nous as rendus dignes. Et ça va nous pousser plus à la louange, plus à l'admiration, plus à l'adoration pour toi. Guide-nous, Seigneur. Et que ton Esprit Saint puisse nous rappeler toutes ces grandes choses que nous avons apprises ce matin. Au nom de Jésus. Amen. OK, nous allons chanter un dernier cantique, si vous voulez bien.